Et donc effectivement, je vous parlais du voleur. Alors, on va commencer comme d'hab par les sorts. Alors, niveau 81, redistribution. Redistribution, en fait, permettra au voleur de transférer tous les points de combo actifs sur sa cible, sur une nouvelle cible. Donc, c'est-à-dire, si la cible, elle meurt, bah, il pourra les transférer sur une nouvelle cible. Ce n'aura aucun coût, il aura une minute de recharge. Donc en gros, c'est le voleur, ça fait longtemps qu'ils attendaient un truc comme ça, parce que c'est vrai que c'est chiant quand t'arrives à 5 points de combo, d'un coup la cible elle meurt, tu fais eh merde, qu'est-ce que je vais en foutre de tout ça. Ensuite, au niveau 83, ils auront promptitude au combat. Lorsque cette technique sera activée et que le voleur subira une attaque en mêlée ou à distance, il recevra une amélioration qui s'appellera perspicacité au combat, qui réduira les dégâts subis de 10%. Et le petit truc, c'est qu'elle est cumulable jusqu'à 5 fois, donc en gros jusqu'à 50% des dégâts subis seront réduits. Et en fait, cette durée sera rafraîchie à chaque fois qu'il accumulera l'amélioration, donc il se fera taper. Ça dure 6 secondes et ça possède 2 minutes de temps de recharge. Ça peut être assez énorme quand même, hein, 50% de dégâts en moins. Ben voilà, encore un exemple ben, d'une classe qui pourra diminuer les dégâts qu'elle subit. Ouais. Sans Je veux compter dire, qu'il aura évasion et tout aussi à côté, hein. voilà, ça reste quand même un truc à cette barge, quoi. Et au niveau 85, un sort qui me plaît beaucoup, même si je ne joue pas voleur, qui a beaucoup séduit les voleurs, c'est la bombe fumigène. Alors pour vous expliquer ça, le voleur pourra lancer une bombe fumigène qui va créer un nuage qui interférera en fait le ciblage des ennemis. Donc ça veut dire, admettons, quand vous jetez cette bombe à vos pieds, bah, les personnes qui sont en dehors du nuage ne pourront plus vous cibler. Elles pourront toutefois lancer des sorts à effet de zone sur le nuage, donc là ça continuera à vous toucher, et pour qu'elle puisse vous cibler, a priori il faudra qu'elle rentre dans le nuage. Et je crois que les cibles dans le nuage ne voient pas les cibles à l'extérieur, par contre les ennemis à l'extérieur, ça je suis pas sûr, faudra juste le confirmer. Donc En en fait, gros, c'est un bon truc, mais c'est une protection de zone, c'est-à-dire que c'est pas ouais. que le voleur, tous les autres amis qui seront dans le nuage, en fait, ils seront plus ciblables. Voilà, tout à fait, toutes les alliées en fait ne seront plus ciblables. C'est funky, ça. Ouais, c'est clair. Donc justement, ça pourrait être utilisé pour protéger un groupe contre les attaques à distance ou faire en sorte que les ennemis se rapprochent sans avoir à les attirer, quoi. Bon, ça dure que 10 secondes et c'est un temps de recharge de 3 minutes. Oui, et puis quelqu'un d'intelligent, un chaman ou un druide, il arrive, puis il bump, hein, je veux dire. Oui, voilà, tout à Enfin voilà, fait. c'est faut se dire que c'est pas un truc qui sera pour ceux qui ont peur de ça, ce sera pas un truc Uber non plus. Par contre, pour passer hors combat, c'est le meilleur des trucs parce que le mec Ah, il je. balance son truc, le temps de décibler, il vaniche et les tâches s'évanouissent. Ouais, c'est clair. Sinon, je le vois bien aussi avec le porteur du drapeau. Il fait ça pour protéger le porteur et on sait plus qui est le porteur et ça peut être sympa. Ouais, mais le nuage bouge pas donc ça encore. Ouais, enfin en défense en fait, je voyais. Mais ouais, effectivement, enfin, ça apporte pas mal de choses en JCJ, en JCE aussi, mais surtout en JCJ. Voilà, un truc. Mais c'est pas mal, c'est une bonne idée, ça, je trouve, n'empêche. Je me demande si ça fait pas décibler un boss qui si on reprend l'aggro. Je me demande quand même. Ben, s'il est hors du truc, oui, ça fait décibler a priori, hein. Non, ça peut être pas mal ça. Ouais. Alors ensuite, pour les changements apportés aux techniques et mécanismes, les voleurs de bas niveau auront une nouvelle technique qui s'appelle conversion, qui permettra de convertir les points de combo en un léger soin sur la durée. Ça c'est bien, en période de Voilà, leveling. encore un soin et un truc qui permet de régénérer. Ouais, mais c'est un soin léger quoi, ils ont dit à mon avis, ils doivent rendre même pas 5% de vie quoi, histoire de dire quoi. Ouais. Les techniques non offensives comme conversion et débité, donc débité, ça vous permet d'augmenter la hâte en fait au corps à corps, ne nécessiteront plus de cibles pour être utilisées. De façon générale, les points de combo vont être un peu repensés entre guillemets, enfin l'interface va être utilisateur va être modifiée pour montrer à tout moment combien de points de combo a le voleur. Embuscade fonctionnera désormais avec toutes les armes, parce qu'actuellement ça ne fonctionne qu'avec les dagues. Toutefois, si on utilise une autre arme autre que la dague, il y aura un coefficient réducteur. Et également, en cas d'attaque camouflée, tous les voleurs auront le choix entre générer plus de dégâts rapidement, utiliser des techniques de dégâts sur la durée ou assommer leur cible. Donc, a priori, ils vont classer ça par technique, en fait, soit les techniques pour faire max de dégâts, soit pour assommer, soit pour faire des dégâts sur la durée. De manière générale, les voleurs pourront utiliser l'arme qu'ils veulent. Ils ne seront plus limités aux dagues, aux épées ou à certaines masses en fait, par rapport au talent qui les booste. Tout ce qui est talent qui justement améliore les armes seront supprimés du jeu. À l'exception de l'attaque sournoise ou une autre deux attaques, tous les voleurs pourront choisir l'arme qu'ils veulent. Lancer mortel et éventail de couteau utiliseront désormais l'arme équipée en arme de jet. Et également, ils pensent à rajouter des poisons sur l'arme de jet. Donc peut-être ce sera une nouveauté justement à venir pour les voleurs. Maintenant, au niveau des armes de talent, ce qu'il faut savoir, c'est que la branche assassinat sera plus basée sur l'utilisation des dagues de poison et les dégâts importants en début de combat. La branche combat, en fait, reposera sur l'utilisation d'épées, de masses, d'armes de pugilat ou haches. Et en gros, ce sera pour résister un peu plus sur des combats un peu plus longs, faire des dégâts plus sur la durée. Et l'arbre finesse sera plus basé sur l'utilisation du camouflage, des techniques d'engagement et sur les coups de grâce. Et sur les techniques de survie également. Et en général, en fait, tout ce qui est voleur spécialisé en finesse devrait faire plus de dégâts qu'aujourd'hui. Et également, il souhaite également porter un peu plus d'outils aux autres branches pour faire un peu plus de dégâts. Alors, au niveau des bonus de maîtrise passive des différents arbres, si vous êtes un assassinat, vous augmenterez les dégâts en mêlée, les critiques des armes de mêlée et les dégâts des poisons. Si vous êtes en combat, ce sera les dégâts en mêlée, la hâte en mêlée et le générateur de points de combo plus puissant. Alors ça, a priori, ce serait les effets de vos exécutions en fait, par rapport au nombre de points de talent, au nombre de points de combo. Si vous recevez 3 points de combo, genre vous faites 200 une exécution, là vous ferez par exemple, je sais pas, 400 ou 500. A priori, c'est ce que j'ai compris. Et si vous êtes spécialisé en finesse, vous ferez plus de dégâts en mêlée, vous aurez une meilleure pénétration d'armure et vos coups de grâce seront plus puissants. Voilà ce qu'on peut dire sur les voleurs.